Kulturtiftigu. À l'émission Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy. Ce soir, on fait une émission de 2 heures. Je vous réserve une surprise pour la 2e heure. Vous allez voir, ça va être peu banal. Pour l'émission cette semaine, je vous ai sélectionné une sélection de musique électronique. J'ai des trucs quand même relativement assez planants pour ce soir. On va tenter de se reposer du dur temps des fêtes. Donc, cette semaine, je vais débuter avec un artiste qui vient de Londres. Il s'agit de Serbik. J'ai la gang de Bubble Electro qui écoute en ce moment, qui sont tout contents que je fasse passer une pièce d'un de leurs artistes. Donc, ça va être la pièce Ongu. C'est sur son album No Means Yes. C'est un EP vraiment excellent. Donc, c'est ça, Serbik qui décrit son son comme c'était lancer une TV dans une piscine remplie de costard. Donc, un son vraiment intéressant. Ensuite de ça, sur label Netlabel, je vous fais passer Dibos avec sa pièce Capatouli. Vous allez voir, c'est très bon. C'est ça, on débute Web Music avec Serbik, sa pièce Angu. Thank you. du chaos de l'Italie. C'était D-Boss avec sa pièce Capatouli. Donc, D-Boss qui, comme je vous disais, qui vient de l'Italie. C'est publié sur label Netlabel, un excellent Netlabel que j'ai découvert aujourd'hui. Avant ça, on ouvrait l'émission avec Serbik, avec sa pièce Angu. Serbik qui est distribué sur Bubble Electro. Donc, encore une fois, je salue Brandon Densmore et son compatriote Chris Ritchie et sa gang. Donc, c'est un collectif, un Netlabel qui est promis à beaucoup de succès. Je crois qu'ils ont des trucs assez intéressants. On va poursuivre l'émission Web Music avec un artiste de la ville de Berlin qui s'appelle Deb Master. Je vous fais passer sa pièce Bunk. Ça, c'est publié sur l'excellente étiquette Cockrock Disco. Allez voir Cockrock Disco. Ils ont des pochettes complètement folles, des albums aussi complètement tordus. Ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour de leur côté. Ensuite de ça, publié sur Acatron, c'est Y Accra. C'est la pièce Exhibit B, Off the Floor. Vous allez voir, c'est vraiment excellent. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces entendues à l'émission. Vous vous rendez au www.webmusique.org et vous avez accès à toute cette bonne musique. Vous pouvez la télécharger gratuitement et légalement. Donc, c'est ça, on écoute Deb Master avec sa pièce Bunk. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL. Vous écoutez l'émission Web Musique. On vient tout juste d'entendre l'artiste du nom de Y Arca. Sa pièce s'appelle Exhibit R Off the Floor. Donc, un album vraiment excellent que je vous encourage à télécharger. C'est publié sur Arcatron. Vous allez voir, vraiment bon. Ça vaut vraiment la peine. Avant ça, ben, c'est un artiste de Berlin du nom de Deb Master qui est publié sur Cockrock Disco. On entendait sa pièce Bunk. Pour poursuivre, cette fois-ci, c'est encore un autre artiste allemand, mais la ville de Hambourg, cette fois-ci, s'agit de Punch. Sa pièce s'appelle As We May Think. C'est donc une pièce vraiment excellente. Ensuite de ça, publié sur Transmitter Netlabel, s'agit de Artomic avec sa pièce My Place. Donc, pour tout de suite, on écoute Punch. Thank you. We'll be right back. de drum and bass vraiment excellent qui vient de Sao Paulo, au Brésil. L'artiste s'appelle Artomic. Sa pièce s'appelle My Place. C'était publié sur Transmitter Netlabel, un netlabel qui nous vient du Brésil. Avant ça, de la ville de Hambourg en Allemagne, c'était Paunch avec sa pièce As We May Think. Donc vraiment une pièce vraiment excellente. On fait une courte pause, puis Web Musique vous revient tout de suite après. Devenir membre de CKRL, c'est appuyer la première radio communautaire francophone en Amérique du Nord. Fidèle à ses nouvelles couleurs et à son nouveau slogan, le 89.1 et ses partenaires offrent à ses membres des rabais aussi intéressants que variés. Au Pub Le d'Orsay, à l'Abraham Martin, au Centre de yoga de Québec, chez Futon, etc., au Théâtre Périscope et au Théâtre de la Bordée. Voyez tous les détails à ckrl.qc.ca. CKRL 89.1, cultive tes goûts. Du lundi au vendredi, réveillez-vous avec le 89.1. Actualité, société, culture. 2h30 de plaisir. Avant 9h, tout est possible. Avec Raymond Poirier et son équipe, dès 7h. CKRL 89.1, cultive tes goûts. De retour à Web Musique, vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. Donc, on va poursuivre l'émission avec un artiste français du nom de Sushi Dread, un artiste que j'adore. Je vous en ai fait passer quelques fois à l'émission. Il est publié sur l'excellent netlabel Al Dente Records, un netlabel qui vient de la ville de La Rochelle en France. Donc, Al Dente Records qui ont énormément d'albums intéressants. Je vous invite à aller visiter leur site, ça vaut vraiment la peine. Donc, la pièce de Sushi Dread s'appelle Lo'ahara Dub, vous allez voir, vraiment bon. Ensuite de ça, publié sur The Studio Stereo, c'est Birkenman, je fais passer sa pièce Knock Up Stream. Ça, c'est deux pièces qui s'écoutent encore mieux si vous avez des écouteurs dont un son 3D vraiment intéressant. Donc, ben, c'est ça, on écoute tout de suite Sushi Dread avec sa pièce Lo'ahara Dub. Thank you. We'll be right back. C'était Bickerman à l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL. C'était sa pièce Knock Up Stream. C'était publié sur The Studio Stereo. Avant ça, de la France, c'était Sushi Dread avec sa pièce Loa Ara Dub. C'était publié sur Al Dente Records, une étiquette qui nous vient de La Rochelle en France. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger toutes les pièces entendues à l'émission. Vous avez aussi accès à la balado-diffusion pour ceux qui ne peuvent pas écouter. Donc, le dimanche à 21h, vous pouvez écouter la balado en tout temps. Donc, pour tout ça, vous vous rendez au www.webmusique.org. Vous avez accès aux liens vers les artistes. Vous avez la playlist de chaque émission depuis les tout débuts en 2007. Donc, une archive de musique gratuite vraiment qui commence à grossir de plus en plus. Quelques centaines d'artistes, j'aurais presque même des milliers. Donc, ça vaut vraiment la peine de venir faire un petit tour sur le site de Web Musique. On poursuit avec un artiste de la ville de Napoli, en Italie. Il s'agit de Para. Je vous fais passer une pièce de son album Digital Crackle, qui est publié sur A Quiet Bump Netlabel, un netlabel qui vient de l'Italie. Un album vraiment excellent, je l'ai écouté vraiment plusieurs fois. C'est une belle trame sonore pour lire ou faire quelque chose de tranquille. Donc, l'excellent dub qui vaut vraiment la peine. Ensuite de ça, sur Spontan Music, un netlabel allemand, je vous fais passer Lava Jazz. Ça, c'est l'alias de Tobias Lorsbach, un artiste qui a publié sous différents noms, dont Ken's Waiter, Antigua Prime, Supralist, Jabba 44, Super Launcher, donc un artiste vraiment prolifique qui évolue sous plusieurs noms. Je vous fais passer sa pièce Missing, vous allez voir, c'est excellent. Donc, pour tout de suite, le Tremolo Para. Thank you. pièce qui conclut l'émission Web Musique, c'était Lava Jazz avec sa pièce Missing. C'était publié sur Spontan Music, un net label qui nous vient de l'Allemagne. Avant ça, de la ville de Nipoli en Italie, c'était Para avec sa pièce Minimalismi. C'était publié sur Quiet Bomb Net Label. C'était tiré de son album A Digital Trackle, un excellent album de techno dub que je vous recommande en téléchargement. Ça vaut vraiment la peine. C'est ça. Avant de terminer l'émission, je vais vous rappeler que vous pouvez télécharger tout ce que vous avez entendu. Vous vous rendez au www.webmusique.org et vous avez accès à toute cette bonne musique. Docteur Franco est malheureusement pas là cette semaine, donc je vous ai préparé un petit programme spécial pour la suite, pour la prochaine heure, donc jusqu'à 23h. Je vais vous dire ça tout de suite après la pause. Devenir membre de CKRL, c'est appuyer la première radio communautaire francophone en Amérique du Nord. Fidèle à ses nouvelles couleurs et à son nouveau slogan, le 89.1 et ses partenaires offrent à ses membres des rabais aussi intéressants que variés dans les commerces suivants. Sillon le Disquaire, le Poisson d'Avril, la librairie Pantoute, la boutique Alpaca, les colocs et la fournée bio. Voyez tous les détails à ckrl.qc.ca. Tous les jours de la semaine de 10h30 à midi, la boîte à pain Café Napoli vous présente l'émission Univers francophone sur les ondes de CKRL. Réputé pour la qualité de son pain artisanal avec près de 40 variétés, on vous propose aussi un merveilleux menu santé que vous pourrez emporter ou manger sur place. Une sélection de sandwichs, salades et pizzas cuites au four à bois font partie des délices offerts, sans parler des desserts irrésistibles. La boîte à pain Café Napoli, 396 3e Avenue et 289 Saint-Joseph-Est. 88-977-75-71 ou le 88-647-36-66. Boîte à pain.com. Cultive tes goûts.